Les membres de la représentation de l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture en Corée ont livré jeudi à la ferme coopérative maraîchère de Hyongsan, arrondissement de Hyongsan, les travaux volontaires pour assister les paysans de la ferme dans leur repiquage. À la fin, les hôtes étrangers ont remis les matériels d'assistance à la ferme.